cantor muere de espanto. La esperanza, la luz y la alegría. Première mesure, tu l'as deviné, ce rap's velours. Boucher qui s'est déguisé par une voix de velours. Juge pas l'allure. Je ne juge pas la leur, moi je le jure. À la lueur des gyrophares, je cache mon arme sous ma chevelure. Ma destinée écrite, mais j'ai du mal à la lire. Douleur sortie dans les molaires, colère solide pour démolir. J'suis dans la zig pour qu'elle me porte au-delà des murs. J'ai travaillé dur, chose de pure verte pour me purger. Si le chanteur j'étais c'est mauvais. Comme ton grossiste, là c'est d'attendre qu'il ne veut même plus s'élever. Sans son pour me sauver, y'a plus rien. J'ai rien de plus rare, mon art traîné dans le purin. J'pétris mes rimes dans le curare, mal incurable. J'construis ma vie sans notice. Nature douce comme le lotus, parfois je m'enflamme sans motif. Étranger à vos modes de com, comme l'autiste. Ma rage sort pas de gomme, cogne mais du fond de l'âme comme autiste. Conspiration pour que les bonhommes kiffent, voilà l'opus. Autant nous gazer, raser nos tifs. Si à motus, sommes-nous fautifs en plus d'allumer la flamme dans vos iris. Nous verrons rouge comme les Russes, ils tentent d'étouffer nos lyrics. Si c'est quand je le canto. Silencio, llegó el cantor otra vez, portavoz de este mundo en peligro. Pellegrino sin camino, canta tu dolor, se alivia, me alegro. Artiste en chien, son pedigree en allegro. Ah, allegro. On sent tous cette fin que seule la pénurie. J'ai un étricard comme un gros porc en temps de pénurie. Nada se sabe, sabor de vida suave. Por las nubes mi voz se va. Sube el volumen, tu sais man, ici va les erreurs volumen. Amor y odio, estoy en el medio. Miedo de que el cantor se cae. Dejando la calle sin ruido. Por la vida herido, je baisse pas les bras hermano. Me quedo sin palabra quand tombe le rideau. Et je lève mon verre à mis sueños queridos. Je déambule dans ce couloir entre peur et colère. Décor change de couleur, peut-être y'a pas de sortie. C'est bien sordide, par la vie abasourdie. Bat mon cœur en sourdine, j'éclaire mon chemin à l'allumette. Les riches se gavent, le peuple à limite. Climat propice à l'émeute, c'est limite. Faute de mieux, on se finit dans le mafieux, c'est limite. C'est là qu'intervient le cantor pour qu'on s'évade. La musique fait des ondes, ça me fait emporter par ses vagues. Ce monde est foutu, trop de gens se côtoient mes seniors. Ya, Benny Blanco, ya mamé senior. Si c'est quand je le canto. Porque la vida misma es todo un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto. La esperanza, la luz y la alegría. ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas? Por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta.